La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième jour de notre série consacrée à J.K. Rowling et son personnage d'Harry Potter dans la compagnie des auteurs. Une émission qui vous est proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Chloé Casmarek, Laurence Genepin, David Jacuboviez et Alexandre Dang. L'histoire de J.K. Rowling se confond avec le genre dans lequel elle a excellé, car il s'agit, comme on l'a beaucoup souligné, d'un véritable conte de fées. Née en 1965 dans le Gloucestershire, elle a vécu dans une famille modeste, une adolescence assombrie par la maladie de sa mère, une sclérose en plaques dont elle mourra alors que Joan n'a que 25 ans. Étudiante à Paris puis à Porto, elle s'inspire de ces lieux pour imaginer l'univers du sorcier Harry Potter, premier livre qu'elle poursuivra à Édimbourg. Dans un état dépressif, elle est à l'époque une mère célibataire, on le sait, vivant des aides sociales et ne se voyant pas d'avenir. Le livre aura même du mal à trouver un éditeur, mais il séduira ensuite, on le sait aussi, un très large public au point de devenir un véritable phénomène de société. Lundi dernier, avec François Combat et Jean-François Ménard, nous avons posé les premiers jalons qui permettent de comprendre mieux cet écrivain et son œuvre. Avant de poursuivre notre exploration hier, grâce à Jean-Claude Milner et Isabelle Smadja, qui nous ont parlé en particulier des questions relatives à l'éducation chez Harry Potter. Enfin, demain, nous élargirons notre sujet et parlerons du genre de la fantasy en général. Ce sera avec Anne Besson. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler de la philosophie qui irrigue l'œuvre de J.K. Rowling, je reçois Marianne Chaillant, professeure de philosophie au lycée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille. Elle est également enseignante à l'université d'Aix-Marseille et elle est l'auteur du livre Harry Potter à l'école de la philosophie, paru en 2013 aux éditions Ellipse. Avec elle, nous allons voir ce qu'il y a de platonicien, de stoïcien, de nietzschéen, de sartrien chez le petit sorcier de Poudlard, mais surtout, nous nous demanderons quelle est la leçon véritable d'Harry Potter. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Et bonjour Marianne Chaillant. Bonjour. Vous avez non seulement étudié la philosophie chez Harry Potter, mais aussi dans d'autres œuvres de culture dite populaire, de pop philosophie, comme Game of Thrones. En effet. Ouais. Je pratique ce qu'on appelle la pop philosophie et qui s'est donné pour finalité, d'une part, de promouvoir les objets de la culture populaire qui pourraient passer pour inconsistants, bien qu'étant extrêmement célèbres et recevant un grand succès, et d'autre part, de rendre la philosophie plus accessible, sans perdre en rigueur toutefois. Donc c'est un exercice un peu délicat, on se tient sur une ligne de crête entre une simplification du langage philosophique, mais qui n'est pas non plus pour autant une déperdition en rigueur. Ah, mais c'est une aventure comme les aventures des personnages. Alors de Game of Thrones, hein, ça c'est chez Le Passeur en 2015, ça s'appelle Game of Thrones métaphysique des meurtres. Et puis en octobre dernier, c'est donc toujours aux éditions Le Passeur, un livre pour montrer que la philosophie existe aussi dans les livres de chez Disney. Alors c'est chez l'éditeur Équateur. Mais en effet, la finalité en tout cas du livre est bien celle que vous décrivez. Je me suis attaquée à un objet énormissime de la culture populaire, les Disney. Voilà, les films, pas les livres comme je l'ai dit. Les films, hein, voilà, en effet. Et j'essaye de montrer que tout en se divertissant, on s'instruit aussi. Ouais. Ça s'appelle « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux ». En effet. Ouais. Alors, on a l'impression, évidemment, quand on regarde votre bibliographie, que tous les créateurs de fiction, de séries, sont en fait de très grands philosophes. Est-ce que c'est votre sentiment ? Je pense en tout cas que quand un objet parvient à un tel succès, ça ne peut pas se faire sans que cet objet soit porteur, à son insu peut-être, mais d'une consistance réflexive. Je pense que la série Game of Thrones, par exemple, que je ne connaissais pas, ce sont mes étudiants qui, au moment où je faisais un cours sur Kant, m'ont dit, mais enfin, ça se trouve dans Game of Thrones, vous connaissez pas. Donc, je suis allée voir cette série, et le fait est que je pouvais faire des médiations entre la philosophie de Kant, qui pouvait leur paraître austère et ennuyeuse a priori, et une des familles de Westeros, qui s'appelle la famille Stark, et tout d'un coup, le cours prenait un relief qui était de nature à satisfaire le public que j'avais devant moi. Mmh. Donc je pense que Disney, Game of Thrones, les chansons de variété, Harry Potter, lorsqu'elles parviennent à un certain degré de pérennité, de succès, ça ne se fait pas sans qu'il y ait derrière une consistance philosophique. Et on peut se demander dans quelle mesure les créateurs, les auteurs, ont eux-mêmes conscience de mettre un contenu philosophique dans leurs œuvres. C'est en effet une question qu'on m'a posée sur J.K. Rowling. A-t-elle voulu mettre toute la philosophie que je débusque dans son œuvre? Je n'ai pas la réponse, mais pour une part, vous avez rappelé les études qu'elle a faites, et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement lettré. Il n'est pas impossible qu'elle ait effectivement voulu, par endroits, faire des échos à la philosophie de Platon ou à la philosophie des stoïciens. Et quand bien même ne l'aurait-elle pas voulu, je trouve que c'est encore plus merveilleux que tout en abordant un genre tout à fait différent, en n'ayant pas une intention philosophique, elle parvienne à créer des objets littéraires, par exemple, dont on parlera peut-être, le miroir du Rized, l'épouvantard, qui sont véritablement des objets philosophiques. Ou bien elle l'a voulu, et c'est tout à son honneur d'avoir pu, à travers la littérature, permettre à ces millions de lecteurs à travers le monde de faire de la philosophie sans que ça soit didactique. Rappelez-vous les files de lecteurs devant les librairies le jour de la sortie des livres. Elle a réussi quelque chose d'extraordinaire pour la lecture, mais aussi pour la philosophie, parce qu'elle fait philosopher sans le savoir ses lecteurs. Soit elle ne l'a pas voulu, soit elle l'a voulu, et dans les deux cas, je pense qu'on peut lui en rendre grâce. Merci J.K. Rowling. Tous vos exemples sont anglo-saxons. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Est-ce que finalement, chez les anglo-saxons, on aurait plus systématiquement recours à des récits édifiants, philosophiques? Vous me faites réaliser que tous mes exemples sont anglo-saxons, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque mon livre sur les chansons de variété, la playlist des philosophes, je m'appuie sur des chansons françaises, et mon prochain livre sera sur Amélie Nothomb. Donc j'essaierai de montrer qu'Amélie Nothomb est la première philosophe belge. Oh, il y a eu d'autres philosophes belges quand même avant elle. La plus célèbre aujourd'hui. Alors, est-ce que, en ce qui concerne Harry Potter, on peut parler d'une philosophie ou est-ce qu'il faut parler d'un agrégat très composite de différentes philosophies? Alors, dans mon livre, j'ai essayé de faire deux choses en même temps. D'une part, de montrer tous les éléments de philosophie classique qu'on pouvait retrouver dans l'œuvre. Donc, j'ai appelé ça la philosophie dans Harry Potter. Donc, par exemple, philosophie platonicienne, stoïcienne, sartrienne, par exemple. Et puis j'ai consacré une deuxième partie à la philosophie de Harry Potter. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette saga une problématique spécifique et une réponse qui serait celle de J.K. Rowling? Donc à la fois un agrégat d'une philosophie qui précéderait l'œuvre et qu'on retrouverait dans l'œuvre, et une philosophie propre, spécifique à la saga de J.K. Rowling. Mais qui n'est pas une synthèse des autres philosophies? Non. En tout cas, la saga tourne autour d'une question centrale qui est comment soutenir l'effroyable certitude de la mort. Oui. Et elle va proposer sa propre réponse, J.K. Rowling. Que vous n'avez trouvé nulle part ailleurs. Qu'on peut faire dialoguer avec Nietzsche ou avec d'autres auteurs, mais que vraiment elle construit, il me semble, en son nom propre. Mm-hmm. Sans référence explicite, en tout cas, sans clin d'œil évident à des philosophes. On reviendra évidemment donc sur la philosophie particulière de Harry Potter. De Harry Potter ou de J.K. Rowling d'ailleurs? De J.K. Rowling, oui. En effet, c'est vrai. Le personnage lui-même n'est pas un personnage philosophe en tant que tel? Si, bien sûr. Il supporte la philosophie de J.K. Rowling. Il en est, je crois, le porte-parole d'une certaine manière. On peut exagérer un peu en disant c'est pas lui qui réfléchit réellement. C'est le Socrate de Platon. C'est Harry Potter est le porte-parole, me semble-t-il, de ce que J.K. Rowling a supposé qu'elle ait cette intention, essaie de donner comme message à ses lecteurs. C'est probablement lui qui l'incarne, en effet. L'incarne, mais en tant que personnage, il n'est pas présenté comme étant un personnage philosophe. Peut-être moins que d'autres personnages. Et parce qu'en plus, il ne l'est pas spontanément. C'est-à-dire que sa philosophie va être une conquête. Tout au long des livres de la saga, il va construire une réponse face à la mort qui est de enfin je ne sais pas si on en reparlera plus bien tard, sûr, oui, oui. Mais qui est, contrairement à ce que fait Lord Voldemort, qui est d'accepter, de comprendre la mort comme une condition indépassable de la vie. Et qu'on ne peut pas aimer la vie sans inclure en elle toutes les dimensions de douleur et la finitude finale. Bon, mais avant de parler de la philosophie de Harry lui-même, parlons de Platon. À travers Harry Potter, je vous propose d'entendre un moment platonicien chez Harry Potter. Joyeux Noël, dit Ron d'une voix ensommeillée tandis que Harry s'extrayait du lit et passait sa robe de chambre. Toi aussi, dit Harry. Tu te rends compte, j'ai des cadeaux. Bientôt, il n'y eut plus qu'un seul paquet à ouvrir. Harry déchira le papier et un morceau de tissu très léger, d'une teinte argentée, glissa sur le sol où il forma un petit tas aux reflets luisants. Ron en resta bouche bée. J'ai entendu parler de ça, dit-il d'une voix sourde. Si c'est ce que je crois, il n'en existe pas beaucoup et c'est vraiment précieux. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Harry en ramassant le morceau de tissu brillant. En le prenant entre ses doigts, il eut l'impression de toucher de l'eau qu'on aurait transformée en étoffe. C'est une cape d'invisibilité, dit Ron impressionné. J'en suis sûr maintenant. Essaye-la. Harry jeta la cape sur ses épaules et Ron poussa un cri. « C'est bien ça, regarde !» Harry regarda ses pieds, mais ils avaient disparu. Il se précipita vers le miroir et ne vit que son visage qui semblait flotter dans l'air. Son corps, lui, était devenu invisible. Il remonta la cape sur sa tête et son reflet s'effaça complètement. « Il y a un mot !» dit soudain Ron. « Un mot dans le paquet ?» Harry enleva la cape et lut ce qui était écrit d'une écriture arrondie qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. Très joyeux Noël. » La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de J.K. Rowling et de son personnage Harry Potter. C'est vrai qu'on peut difficilement séparer l'une de l'autre. Et cet extrait, lu par Guillaume Gallienne, figure dans le premier tome de la saga. C'est l'histoire de la cape d'invisibilité. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'évoque pour vous cette cape d'invisibilité, avant peut-être de nous dire en quoi c'est platonicien? Alors, la cape d'invisibilité, pour moi, ça m'a spontanément évoqué ce qui était platonicien, en fait. C'est immédiatement à la première lecture ? Oui, parce que j'ai vu tout de suite une reprise du mythe de Gigès et un dialogue, me semble-t-il, non seulement de J.K. Rowling avec Platon, mais aussi avec Tolkien. Peut-être rappelons le mythe de Gigès de Platon. Oui. Dans La République, se pose la question, entre autres, de savoir si une action morale est véritablement possible. Est-ce que les gens vertueux existent ou bien est-ce que la vertu n'est que le nom d'emprunt que nous mettons à notre crainte d'être punis si nous étions pris en train de commettre le mal ? Socrate, lui, pense que la vertu existe, que l'homme moral existe. Ce à quoi Glaucon lui oppose que ce n'est pas vrai et que tout homme, s'il possédait la capacité à faire le mal sans être pris, le ferait. Et pour lui prouver, il raconte une histoire, qu'il emprunte d'ailleurs à Hérodote, si je ne me trompe pas, qui est celle du mythe de Gigès. Gigès est un berger qui, suite à un terrible orage, la terre s'est fendue, il se promène ensuite sur ses terres et il découvre dans une faille un géant qui porte à son doigt un anneau. Gigès s'empare de l'anneau et découvre le pouvoir de ce précieux qui est de rendre invisible. Que va faire Gigès, à votre avis, qui était auparavant un berger tout à fait honnête ? Va-t-il demeurer honnête ou, ayant désormais grâce à l'anneau le pouvoir de faire le mal en toute impunité, va-t-il choisir de commettre Mais le mal ? Mais la tentation est forte. La tentation est forte et Glaucon pense démontrer à Socrate que l'homme vertueux n'existe pas à travers cet artifice, car de fait Gigès se rend au palais, séduit la reine et tue le roi pour devenir roi à la place du roi. Donc il commet le mal. Glaucon y voit là la preuve que l'homme le plus vertueux qui soit, si on lui donnait la possibilité de faire le mal, le ferait. C'est ce que Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, reprend à son compte. Tolkien est du côté de Glaucon. Mais de manière très littérale, là. De manière très littérale. Parce qu'il y a effectivement l'anneau. L'anneau est présent. Et J.K. Rowling, me semble-t-il, reprend cet anneau, mais le transforme en cape et livre à Harry la capacité à faire le mal en toute impunité. Alors qu'il a, quoi, 11 ans, 12 ans à ce moment-là, il découvre à Noël une cape qui le rend invisible. qu'auriez-vous fait à la place d'Harry ? Ah, mais on aurait rendu. Hein. Il aurait probablement on pu. On aurait fait le bien. Il aurait pu voler les sujets des examens de Poudlard. Il aurait pu aller observer les filles dans le dortoir des Gryffondors, Ginny Weasley, par exemple. Non, en fait, il choisit d'aller à la bibliothèque, dans la section interdite. Sous-entendu. Ah, c'est quand même la section interdite. C'est un petit peu. Voilà, mais quand même. Harry ne tuera jamais, ne volera jamais, ne commettra pas le mal. J.K. Rowling, en ce sens, prend le parti de Socrate, qui consiste à dire que une action morale est véritablement possible, et donc elle est contre Glaucon et Tolkien avec cet artifice de la cape d'invisibilité. Mmh. Alors, évidemment, on peut imaginer que Voldemort, à l'inverse, qui est donc le double maléfique de Harry Potter, aurait, lui, fait comme le berger, et sans doute aurait-il fait le mal. Il y a toujours cette opposition de l'un avec l'autre, Marianne Chaillant. Tout à fait. Non seulement on peut supposer qu'il l'aurait fait, mais il le fait d'une certaine manière, parce que lui, il se sert de la magie pour commettre le mal en toute impunité. Voldemort va plus loin et permet de faire dialoguer la saga avec un autre texte de Platon, non plus La République, mais le Gorgias, où Platon prolonge la question morale, et la question n'est plus celle de savoir si une action morale est possible, mais celle de savoir si l'action morale nous conduit nécessairement au bonheur. À quoi bon être vertueux ? Est-ce que la morale rend heureux ? Et Voldemort, lui, est anti-platonicien, puisqu'il pense qu'il peut commettre le mal sans être malheureux. C'est, encore une fois, une sorte de retranscription littéraire d'un dialogue de Platon. Dans ce dialogue, c'était Socrate contre Pollos. Et Pollos expliquait à Socrate, pour preuve que la vertu ne rend pas heureux, qu'il existe un homme qui s'appelle Archélaos, qui a tué toute sa famille pour devenir roi. Cet homme a commis des meurtres et pourtant il est roi, donc il est heureux, dit Pollos. Ce à quoi Socrate répond, mais pas du tout. Non seulement il n'est pas heureux, mais c'est le plus malheureux des hommes. Et a fortiori, puisqu'il n'a pas été puni. Donc ce que Socrate défend, c'est l'idée qu'il y a un lien analytique entre vertu et bonheur et symétriquement un lien intrinsèque entre vice et malheur. Mmh. Voldemort, lui, commet le mal. Et c'est très platonicien ce que fait J.K. Rowling en altérant le physique de Tom Jedusor. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas montrer la souillure de son âme, d'un point de vue littéraire. Donc elle va montrer l'altération physique de Tom Jedusor, qui est la transcription de la souillure progressive de Tom Jedusor, qui entre dans le mal. Plus il commet le mal, plus il devient laid. Elle insiste beaucoup dans les livres pour le présenter comme très beau, à l'image de son père. Quand il est jeune, Tom Jedusor est un très beau jeune homme. Et puis quand on le rencontre réellement, quand on le voit, il est devenu déjà Lord Voldemort. Il est pas en revanche très laid, hein. Son visage est devenu proche de celui d'un serpent. Cette altération physique, me semble-t-il, est la transcription de la thèse platonicienne selon laquelle il y a une punition, une sanction immédiate. Certes, Lord Voldemort n'a pas été puni par le ministère de la magie, mais la punition est immédiate. Un autre moment platonicien dans Harry Potter. J'étais dans la bibliothèque l'autre soir. Dans la réserve, en fait. Et j'ai lu une chose assez étrange sur une forme de magie très rare. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, à Horcrux. Je vous demande pardon ? À Horcrux. Je suis tombé sur ce mot dans un texte. Et je ne l'ai pas totalement compris. Je ne sais pas ce que vous lisiez, Tom, mais c'est de la magie très noire, vraiment très noire. C'est pourquoi... c'est vous que je suis venu voir. Un Horcrux est un objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme. Monsieur, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. On sépare son âme en deux, on cache une partie dans un objet. En faisant cela, on est protégé si on est attaqué et que son corps est détruit. Protégé ? La partie de l'âme qui est cachée continue de vivre. Autrement dit, on ne peut pas mourir. Et comment fait-on pour séparer son âme en deux, monsieur ? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, Tom. Un meurtre. Oui. Tuer permet donc de vous rendre plus fort, mais déchire également votre âme, nous dit dans cet extrait du tome 6 de la saga J.K. Rowling. On avait là un extrait du film. Donc tuer l'âme déchire, ça c'est une thèse, quasiment littéralement platonicienne aussi. Littéralement platonicienne. On en reparlera plus tard. Si Tom Jedusor veut créer des horcruxes, c'est qu'il ne veut pas mourir. Et il demande à Slughorn le moyen de créer ses horcruxes. Slughorn lui apprend que pour créer un horcrux, pour déposer un bout de son âme dans un objet, il faut tuer, car le meurtre déchire l'âme immédiatement. On voit bien là l'écho platonicien, c'est-à-dire que le meurtre n'a pas besoin d'être puni, enfin n'a pas besoin, il peut l'être secondairement, mais la sanction est immédiate. Au moment même où je commets le mal, mon âme est mutilée. Et c'est cette mutilation de l'âme qui ne rend pas plus fort en vérité, puisque Voldemort est affaibli, il est de moins en moins humain, mais cette division de son âme lui permet de placer un certain nombre de morceaux de son âme dans des objets. Et alors, il y a la question du dualisme âme et corps, et puis il y a la question aussi de l'enseignement. Et ça aussi, c'est assez platonicien, Marianne Chaillon. En effet. Alors, le dualisme, pourquoi ? Parce que chez Platon, on le sait, dans le Phédon notamment, Platon nous enseigne qu'un homme est fait d'un corps mortel et d'une âme immortelle. Ce qu'il pourrait y avoir d'écho à la philosophie de Platon dans la saga, c'est cette existence des fantômes, tout simplement. Quand on entre à Poudlard, on rencontre immédiatement un certain nombre de fantômes, comme le Baron Sanglant ou plus tard Mimi Géniarde. Qu'est-ce que c'est un fantôme ? On l'apprend, c'est quelqu'un qui, au moment de mourir, a refusé d'aller au-delà et a choisi de rester sous une forme affaiblie. Et donc on voit bien que la mort matérielle du corps n'entraîne pas la disparition totale. Ce qui semblerait être une sorte d'opposition à une philosophie matérialiste de type épicurien, selon laquelle l'âme n'existe pas comme une substance hétérogène à la matière, J.K. Rowling semble nous dire que l'âme existe. Ça, c'est effectivement ce désaveu du matérialisme. Et si l'âme existe, alors on sait par ailleurs que J.K. Rowling non seulement a été baptisée, mais était la seule apparemment de sa famille à aller à l'église et qu'elle a toujours une pratique religieuse, donc qui n'est pas extrême. Est-ce que vous ressentez aussi, dans le rapport à l'âme par exemple, quelque chose qui relèverait de la religion, pas forcément catholique d'ailleurs, mais enfin d'un rapport quand même à la religion ? Non, je vous avoue, je ne me suis pas du tout interrogée sur les rapports de la saga avec les religions. Plutôt, je me suis concentrée sur la philosophie. D'ailleurs, en fait, ce qui me gêne un peu dans cette lecture que je fais moi-même du dualisme platonicien, c'est que ça affaiblirait un tout petit peu la thèse générale dont on parlera à la fin sur la mort. Oui. Et d'ailleurs, J.K. Rowling encourage, je crois que c'est le Baron Sanglant qui explique à Harry comment on devient fantôme. J.K. Rowling explique que vraiment ce refus de la finitude qui passe par l'idée qu'on va demeurer sous cette forme affaiblie n'est pas une bonne chose, n'est pas souhaitable. Il faut accepter d'en faire finir une bonne fois pour toutes. Donc au contraire, il me semble que même si elle pose le dualisme, elle n'en fait pas une voie d'espérance. La mort est une réalité à laquelle il faut faire face, et du coup ça gomme un peu cette idée de la survie de l'âme qui est platonicienne. Et alors sur l'aspect du rapport à l'enseignement et du sophisme, là aussi on est un platonicisme. Ah, ça c'est très intéressant criant. Et c'est très visible. On a un sophiste pur dans la saga, un personnage extraordinairement joué par Kenneth Branagh, Gilderoy Lockhart. Lui c'est un sophiste, il prétend tout savoir, il a écrit une foule de livres, mais en fait il est parfaitement ignorant. Mais là où on voit bien l'opposition d'un enseignement de type sophistique et un enseignement de type platonicien, c'est dans l'opposition entre Ombrage, par exemple. Vous vous rappelez ce personnage détestable. On peut redire qui c'est. Hein. Ombrage est une envoyée du ministère de la magie. Lorsque celui-ci est passé aux mains des Mangemorts, pour ainsi dire, elle pratique une forme d'enseignement absolument atroce. Elle est chargée de cours de défense contre les forces du mal. Elle interdit aux élèves, aux étudiants, de se servir de leurs baguettes, ce qui entraîne leur stupeur. Comment vont-ils faire pour savoir comment se défendre ? Et elle leur dit, mais non, pas du tout. Prenez le livre, recopiez. Recopiez, c'est tout. Et lorsqu'elle punit Harry, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle a un stylo d'un type particulier qui fait que plus Harry écrit, plus la punition s'inscrit sur sa peau. Elle enseigne de cette manière-là, qu'on peut opposer à celle de Lupin, dont on parlera tout à l'heure avec la philosophie stoïcienne, Lupin met immédiatement ses élèves en situation d'apprentissage. Harry lui-même devient enseignant à un moment donné dans l'ordre du Phénix, de manière secrète, lorsqu'il enseigne à ses camarades à former un patronus. Comment l'un et l'autre, Lupin et Harry, enseignent ? Ils enseignent en essayant d'éveiller une puissance qui se trouve déjà chez le sujet qui apprend. Voyez que d'une part, on a l'idée d'un savoir qui se transmet tout c'est en extérieur. C'est le ressouvenir. Voilà, on a d'un côté l'idée que le savoir didactique, le savoir des sophistes, l'enseignement des sophistes, l'enseignement d'ombrage, et c'est un savoir tout en extériorité. On apprend par cœur, mais on est incapable d'en répondre. À l'inverse, on a Harry Lupin qui, eux, essayent d'éveiller une puissance chez l'apprenant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Ménon de Platon. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Mais cette idée qu'on apprend en se ressouvenant, en éveillant une puissance qu'on possède déjà. Oui. Tout savoir est un ressouvenir et non pas quelque chose qu'on apprendrait extérieurement sans pouvoir en rendre compte. Apprendre, alors, c'est déjà comprendre au sens littéral, prendre avec soi. On va pas avoir le temps, en effet, d'aller jusque-là, puisqu'il nous faut parler des stoïciens. Deuxième grande pensée à l'œuvre chez J.K. Rowling. Là encore, on a le sentiment que on est dans une philosophie qui serait peut-être celle d'Épictète. Enfin, c'est la philosophie qui viendrait le plus spontanément à l'esprit. Marianne Chaillant, en tout cas, c'est ce que vous soulignez dans votre livre. Alors en effet, je pense que J.K. Rowling amène les lecteurs avec Harry Potter, non pas simplement à l'école des sorciers, mais aussi à l'école des stoïciens, à l'école d'Épictète, mais à l'école de Marc Aurèle. Peut-être est-il bon de rappeler que pour les stoïciens, la finalité de la philosophie est de nous donner les moyens d'être heureux. Et le bonheur, ils le conçoivent comment ? Comme ataraxie, c'est-à-dire comme absence de trouble. Donc, remède immédiat, il faut guérir les maux dont nous souffrons. Or, ces maux, d'où viennent-ils ? Pour eux, deux sources majeures des troubles de notre âme. Premièrement, le mauvais jugement que nous formons sur les choses. C'est pourquoi il va falloir discipliner notre assentiment. D'autre part, notre mauvaise façon de désirer, c'est pourquoi il va falloir discipliner notre désir. Mmh. Et cette discipline de l'assentiment, cette discipline du désir qui sont si majeures chez les stoïciens, on les retrouve dans Harry Potter. Alors, il y a un exemple qu'on peut prendre, c'est celui du miroir du Rizé. On va d'abord l'écouter, puis ensuite vous allez nous le commenter, Marianne Chaillant. C'était un miroir magnifique qui montait jusqu'au plafond avec un cadre d'or sculpté, posé sur deux pieds pourvus de griffes comme des pattes d'animal. Une inscription était gravée au-dessus du miroir. Harry déchiffra « Rized Elru Oknot Etzi Amega Siv Notsap Ert Nomen Euj ». Sa panique s'était calmée. Il ôta sa cape et s'approcha du miroir pour vérifier qu'il était toujours invisible. Il fit un pas en avant et dut alors se plaquer une main sur la bouche pour étouffer un cri d'horreur. Il se retourna brusquement et son cœur cogna contre sa poitrine, encore plus fort que lorsque le livre s'était mis à hurler. Car son reflet était apparu, mais il n'était pas seul. Il y avait un groupe de gens qui se tenaient derrière lui. La pièce était vide, cependant. La respiration haletante, il se tourna lentement vers le miroir. Il vit à nouveau son reflet, livide, apeuré, et derrière lui au moins 10 autres personnes. Harry regarda par-dessus son épaule. La pièce était toujours vide, ou alors eux aussi étaient peut-être invisibles, mais ce miroir avait la faculté de les refléter quand même. Et bien sûr, ces personnes qu'Harry Potter voit dans le miroir, et bien ce sont des morts, et notamment ses parents morts, Marianne Chaillant. Comment faites-vous le lien avec la philosophie stoïcienne ? Si vous me permettez de faire une citation d'Épictète, vous verrez à quel point c'est proche. Épictète écrit « Si tu veux que tes enfants et ta femme et tes amis vivent toujours, tu es fou. Car tu veux que les choses qui ne dépendent point de toi en dépendent et que ce qui est à autrui soit à toi. » On voit de quel mal souffre Harry. Il désire mal, comme le font la plupart des hommes, désirant ce qui ne dépend pas de lui et non pas ce qui dépendrait de lui. Il découvre par hasard ce miroir, Harry, qui ne montre pas le reflet de notre visage, mais le reflet de nos désirs. Il est saisi, il va chercher Ron immédiatement, il veut partager avec lui ce bonheur qu'il a de voir ses parents, mais quand il conduit Ron devant le miroir, vous vous rappelez, Ron ne voit pas du tout les parents de Harry, ce qu'il voit c'est lui-même Ron, champion de Quidditch, et là il commence à comprendre le pouvoir de ce miroir qui est de montrer ce qui nous fait défaut et que nous désirons ardemment. Harry ne cesse de revenir vers ce miroir, il se coupe du réel, et si bien que Dumbledore, représentant d'Épictète, est obligé d'intervenir et de mettre en garde Harry. Dumbledore explique que l'homme le plus heureux du monde ne verrait que son reflet dans ce miroir, car précisément ce miroir nous montre ce qui nous fait défaut, ce que nous désirons. Mais voilà, Dumbledore dit à Harry, nous avons un don, nous les humains, pour désirer ce qui nous fait le plus de mal. Nous désirons mal, il faut réformer nos désirs. Marianne Chaillan, nous avons encore beaucoup de théories philosophiques à découvrir dans les pages de Harry Potter, mais avant cela, je vous propose d'aller voir ce qui s'écrit du côté des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous le faisons aujourd'hui avec vous, Michel Crépu, de la Nouvelle Revue Française et de la NRF.fr, car il ne faut pas l'oublier. J'ai envie de vous demander d'abord ce que vous pensez de Harry Potter, de la sorcellerie finalement. Êtes-vous envoûté vous aussi par ce phénomène, cette littérature-là ? Oui, d'une certaine manière, oui. J'ai été témoin devant mes enfants de l'emprise, de l'enchantement magique d'Harry Potter. Je l'ai vu de mes yeux et ça m'a, d'une certaine manière, assez bouleversé. Et bouleversé. Moi-même, je ne suis pas un fin connaisseur, je me sens tout petit devant tout ce qui vient d'être dit en termes de connaissance du texte. Mais ce qui me frappe beaucoup, et qui, enfin pour moi, explique le pouvoir de fascination, c'est que il n'y a plus d'altérité, il n'y a plus d'écart entre le monde réel et le monde magique, le monde fantaisiste, je ne sais comment l'appeler. On passe d'une manière très fluide de l'un à l'autre. D'ailleurs, les mondes se chevauchent. C'est simplement les mondes que se chevauchent les moldus ne peuvent pas voir les sorciers, mais en réalité, ils vivent sur les mêmes terres. Tout à l'heure, un personnage disait, soudain, il vit qu'il n'avait plus de pieds. C'est normal. C'est magiquement normal. Mm-hmm. Et ce ressort, comme ça, qui annule la brutalité de la séparation des choses et de l'écart qu'il peut y avoir entre les objets. Et je pense une des raisons, enfin, encore une fois pour moi, qui m'explique le pouvoir de fascination. Est-ce que la NRF a jamais parlé de Harry Potter ? Je vous avoue, je ne l'ai pas vérifié. Mais pourquoi pas ? En revanche, la NRF.fr parle à la fois de littérature, mais aussi de politique en ce moment dans votre éditorial, Michel. Oui, pour une fois, j'étais un peu intrigué. Je suis toujours, comme vous sûrement, par ce qui se passe en Espagne, et notamment, évidemment, en Catalogne, où on a l'impression de revivre une vieille pièce de théâtre de la fin du 19e siècle, avec des problèmes de principautés, de royaumes, etc. Et c'est très désolant parce qu'il n'y a pas de... en même temps, il n'y a pas de dimension esthétique ou spirituelle même. Les gens disent on a envie que cette région devienne un paradis fiscal, par exemple. C'est quand même un peu surprenant. Enfin, et donc, j'ai... Dans la mesure de mes moyens qui sont extrêmement modestes en la matière, mais quand même de saisir un peu le paradoxe de cette situation qui, à l'heure de l'absolue connexion généralisée de tout, fantasme un pouvoir d'existence autonome, comme dans les contes anciens, enfin, mais sans la magie des contes, justement. Et en même temps, vous convoquez Valéry Larbaud, dont on sait qu'il aimait justement les petits états, les principautés. Mais bien sûr, c'est ça qui aussi fait que je m'intéresse à cette affaire, parce qu'en effet, il y va d'un principe de singularité dans tout ça. Et Larbaud était, parmi d'autres, mais certainement celui qui a goûté le plus loin à cet élixir de la singularité, avec lui-même étant collectionneur de petits soldats, etc., tout ce qui était... Et de drapeaux. Alors voilà, c'était une façon d'associer Larbaud à cette affaire. Merci beaucoup Michel Crépus. C'est donc à retrouver sur la NRF.fr, sans oublier la NRF papier, toujours en librairie. À bientôt. La compagnie des auteurs s'intéresse cette semaine à l'écrivaine anglaise J.K. Rowling et à son personnage célèbre de Harry Potter. Nous explorons la pensée philosophique sous-jacente à cette saga avec Marianne Chaillan, auteure du livre Harry Potter à l'école de la philosophie, publié aux éditions Ellipse. On n'écrit pas, on ne parle pas. dans le désert. Ainsi, puisque c'est là ce que veut l'écrivain, nous dirons que l'écrivain est, une fois pour toutes, s'il est vraiment un écrivain, responsable de la liberté humaine. Vous avez reconnu, Marianne Chaillan, la voix de Jean-Paul Sartre, pour qui l'écrivain est responsable de la liberté humaine. Je ne sais pas si je peux vous demander si vous croyez que J.K. Rowling se sent responsable de la liberté humaine. En tout cas, elle promeut le libre arbitre contre une pensée déterministe, et il me semble que c'est particulièrement une dimension philosophique essentielle de sa saga, si bien que d'ailleurs on la retrouve dans le dernier opus, Harry Potter et l'enfant maudit, qui est sorti tout récemment sous forme de pièce de théâtre. Je sais pas si on... Mais ce n'est pas elle qui a... Ce n'est pas elle qui l'écrit, mais celle qui le supervise, qui a supervisé la rédaction. Et aussi bien ce livre que la saga elle-même, les deux, la saga, la pièce de théâtre, démarrent l'un comme l'autre par une prophétie. Personnages, certains croient à la prophétie. Derrière l'idée de prophétie, il y a l'idée, derrière ceux qui croient à la prophétie, il y a l'idée que les choses seraient tellement organisées de manière causale que, connaissant la cause, nous pourrions produire les effets. Certains personnages, comme Voldemort, sont au fond déterministes, et il est assez savoureux de penser que si Voldemort finit par tomber, si Voldemort perd, c'est parce qu'il commet une erreur métaphysique, et cette erreur, c'est de croire au déterminisme et non pas au libre-arbitre. Elle, J.K. Rowling, le dit dans des entretiens, elle pense que l'homme est libre, que l'homme écrit son histoire, que l'homme se choisit lui-même. Et c'est un message qu'elle va faire passer de manière très forte dans sa saga, avec des accents sartriens évidents. Et à sartrien, existentialiste, il y a l'exemple du choix-peau que vous prenez dans votre livre. Bah, dans le mot choix-peau, il y a le mot choix. Choix. Et pourtant, c'est très paradoxal. D'ailleurs, me semble-t-il, le terme anglais, il y a vraiment un parti pris du traducteur, parce que le terme anglais, c'est sorting hat. L'idée que le chapeau classe. Et dans la traduction française, ça devient un choix-peau. Il insiste sur la dimension de choix. C'est étonnant de voir dans cet épisode quelque chose de sartrien. Pourquoi ? Parce que le choix-peau semble décider pour l'élève dans quelle maison il sera réparti. C'est ça, c'est dans le premier tome. C'est dans le premier tome. Quand on rentre à Poudlard, on subit ou on a le droit de vivre la cérémonie de répartition qui détermine si on sera Serpentard, Gryffondor ou autre chose. Mmh. C'est très étonnant de faire une lecture sartrienne. Pourquoi ? Car il semblerait que, un, ce soit une pure détermination étrangère, c'est le chapeau qui choisit pour moi. Secondement, il choisit en vertu de propriétés dont je disposerai de manière intrinsèque. J'aurai donc une nature. Si je suis courageux, je vais à Gryffondor. Si je suis érudit, j'irai à Serre d'Aigle. Ça semble pas du tout sartrien, ça semble plutôt déterministe. Et en fait, comme les derniers mots de la saga, si vous vous rappelez bien, Harry, devenu adulte, envoie son fils à Poudlard et lui dit « Rassure-toi, l'enfant a peur d'aller à Serpentard. » Et Harry lui dit « Rassure-toi, ce sont nos choix qui comptent en définitive. Peu importe nos caractéristiques, ce que Sartre appellerait notre situation. C'est à nous qu'il revient en dernière instance de définir qui nous sommes. Donc des choix, mais qui ne seraient pas exprimés en tant que tels, des choix qui seraient ressentis finalement, et le choix-peau arrive à saisir finalement la personnalité profonde de la personne, de l'enfant Harry qu'il demande, a en face de lui. Demande carrément au choix-peau de l'envoyer partout, sauf Serpentard. Comme le choix se posait entre Gryffondor et Serpentard, on voit que c'est Harry qui détermine son destin. Mais il y a deux épisodes, peut-être on peut en parler d'un, au moins qui est profondément sartrien, c'est cette scène où Harry et Sirius dialoguent devant l'arbre généalogique de la famille Black. C'est dans l'Ordre du Phénix. C'est une mise en scène extraordinaire. On a un arbre généalogique. Cet arbre généalogique présente une famille de mange-mort, de père en fils. On y trouve Narcissa, on y trouve Bellatrix. On y trouve aussi Sirius, dont le portrait a été effacé. Et Sirius est questionné par son filleul, Harry, qui dit « Mais j'ai l'impression de devenir semblable à Voldemort. Nous possédons, lui et moi, tant de choses en commun. » La situation initiale, par exemple, tous deux sont des orphelins. Ils parlent le fourche-langue. Ils ont énormément de choses en commun. Et il s'inquiète auprès de Sirius. Il lui dit « Est-ce que je ne serais pas pris dans un devenir Voldemort ? Est-ce que ma situation n'implique pas, par déterminisme, que je devienne moi aussi méchant ?» Ce à quoi Sirius lui rappelle, et il est lui-même, face à cet arbre généalogique, l'incarnation du fait que nous choisissons de devenir qui nous sommes, il lui dit « Peu importe ta situation de départ, ce qui fait la différence à la fin, ce sont nos choix, c'est nous qui choisissons. » Autre grand problème philosophique, Marianne Chaillant, c'est cette idée de savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et évidemment, quand on a en face de nous un monde dans lequel, je le disais, sur un même territoire, se côtoient sans réellement se côtoyer à la fois des sorciers et des non-sorciers, on est forcé de se demander si ce qu'on voit est réel ou si la réalité c'est aussi ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est présent également dans le livre de J.K. Rowling. C'est sûr que J.K. Rowling, je pense que c'est ce que voulait dire tout à l'heure votre intervenant, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont J.K. Rowling mêle le réel et la fiction. Et je pense effectivement que c'est une des raisons du succès de cette saga. Quand on va à Londres aujourd'hui, on visite comme quelque chose de voilà comme un monument réel le pont qui est détruit par les Mangemorts au début de je crois d'Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. On va visiter les studios, mais il paraît-il Google Maps a intégré la rue Diagon Alley comme si elle existait vraiment dans Londres. Et c'est une volonté réelle de J.K. Rowling de mêler le réel et la fiction. Si vous regardez bien les livres ont une sorte de schéma narratif assez semblable. On démarre dans ce qu'elle appelle le monde des moldus, c'est-à-dire notre monde. Ensuite, on part à Poudlard, se passe l'intrigue et on revient chez les moldus. Il n'y a pas de hiatus entre la fiction et le réel. Les deux mondes s'interpénètrent. Parce que, d'une certaine façon, ce qui est aussi réel que ce qu'on appelle la réalité, c'est ce qui se passe dans nos têtes. Alors ça, je pense que vous faites référence à ce chapitre qui est probablement le plus philosophique, le plus difficile chapitre de toute la saga, qui s'appelle King's Cross, dans le dernier opus. Harry Potter, rappelez-vous, s'est rendu dans la forêt interdite, face à Voldemort, et il a subi pour la deuxième fois le sortilège Avada Kedavra. Donc, en toute logique, il est mort. Pourtant, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de lecteurs qui, comme moi, ont hurlé, ont été saisis d'une tristesse infinie lorsque Harry subit ce sortilège, et pourtant, il se réveille, dans ce qui semble être la gare de King's Cross, près de lui, Dumbledore, et tous les deux dialoguent, et Harry lui demande à un moment donné, mais est-ce que tout ceci est bien réel, ou est-ce que ça se passe dans ma tête? Ce à quoi Dumbledore fait une réplique digne de Berkeley, cette fois-ci, et il lui dit bien sûr que ça se passe dans sa tête. Mais pourquoi donc faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel ? Et là, on n'a peut-être pas le temps de développer, mais je le fais dans mon chapitre, il y a un vrai dialogue entre une philosophie aristotélicienne et une philosophie berkeleyenne sur qu'est-ce que le réel ? Peut-on accéder au réel ? Et cette réplique, c'est de la philosophie pure, ce qui explique d'ailleurs la difficulté du chapitre. Le nietzschéisme, on a dit qu'on en parlerait. C'est vrai que Voldemort semble être un personnage assez nietzschéen, un surhomme. Il pourrait, d'une certaine façon, se prendre pour Zarathoustra, Marianne Chaillant. À tort. On a, c'est vrai, fait cette lecture, je ne sais pas trop bien pourquoi, de Voldemort en surhomme nietzschéen, des Mangemorts aussi en surhomme. En fait, ils sont particulièrement faibles, je pense que c'est ce que Nietzsche appellerait les faibles. Et d'ailleurs, il opère comme le faible nietzschéen en essayant d'asseoir sa puissance, qui n'existe pas, en séparant ceux qui sont puissants, Harry, de leur puissance. Rappelez-vous cette scène où Voldemort fait face à Harry au ministère de la magie, et pour le vaincre, il n'a qu'un seul instrument, qui est d'essayer de vider Harry de tous ses souvenirs heureux et de lui rappeler à quel point il a connu du malheur dans sa vie. C'est exactement la manière dont opèrent les faibles chez Nietzsche en séparant les forts de leur puissance. Voldemort est tout sauf un héros nietzschéen, c'est plutôt Harry le nietzschéen. Et là, je pense qu'on rejoint la problématique fondamentale de la saga. Parce que tout à l'heure, on disait qu'elle est spécifique à J.K. Rowling. Néanmoins, il y a quelque chose de nietzschéen dans la résolution que J.K. Rowling propose. Et qui est donc ce rapport à la mort ? Qui est dans la capacité à soutenir toutes les dimensions de l'existence. Voldemort, pourquoi il n'est pas nietzschéen ? Parce que, rappelez-vous, dans le Gai Savoir, cette expérience cruciale, cette pensée que Nietzsche appelle la pensée la plus lourde, celle de l'éternel retour. C'est quoi cette question de l'éternel retour ? Un démon vient et vous condamne à revivre éternellement votre existence telle que vous l'avez vécue depuis votre premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire, certes, revivre toutes les joies, mais aussi revivre tout ce que vous avez vécu de terrible. Les deuils, les maladies, la souffrance, les ruptures, les déceptions. Nietzsche demande qui parmi nous a la capacité d'apporter un grand oui à l'existence dans toutes ses dimensions. Voldemort, ce n'est pas l'homme qui dit oui, c'est l'homme qui dit non. Il n'est donc pas le surhomme. Il dit non à la souffrance, il dit non à la mort. Harry, c'est celui qui apprend tout au long de la saga à dire oui. Alors ça, c'est l'essentiel, c'est même la philosophie d'Harry Potter. Je vous propose d'écouter un extrait un peu plus long que d'habitude, dans lequel on le sent bien. Enfin la vérité. Allongé à plat ventre, le visage contre le tapis poussiéreux du bureau où il avait autrefois cru apprendre les secrets de la victoire, Harry avait finalement compris qu'il n'était pas censé survivre. Sa tâche consistait à marcher calmement vers les bras accueillants de la mort. Au long du chemin, il devait détruire les derniers liens qui rattachaient Voldemort à la vie. Ainsi, quand il finirait par se jeter en travers de sa route, sans même lever sa baguette pour se défendre, l'issue serait claire et nette, le travail qui aurait dû être accompli serait terminé. Ni l'un ni l'autre ne vivrait, ni l'un ni l'autre ne pourrait survivre. Il sentit son cœur tambouriner furieusement dans sa poitrine. Il était étrange que, dans sa peur de la mort, il batte d'autant plus vite, le maintenant vaillamment en vie. Mais il allait devoir s'arrêter, et bientôt. Ses pulsations étaient comptées. Combien y en aurait-il encore pendant le temps qu'il mettrait à se relever, à traverser pour la dernière fois le château, à sortir dans le parc et à pénétrer dans la forêt interdite? La terreur le submergea tandis qu'il demeurait étendu par terre avec ce tambour funèbre qui battait en lui. Mourir était-il douloureux? Toutes les fois où il avait cru que c'était la fin mais avait réussi à s'échapper, il n'avait jamais vraiment pensé à la chose elle-même. Sa volonté de vivre avait toujours été plus forte que sa peur de la mort. Pourtant, en cet instant, il ne lui venait pas à l'idée d'essayer de s'échapper, de distancer Voldemort. C'était fini, il le savait, et il ne restait plus que le fait en soi, mourir. Si seulement il avait pu mourir en cette nuit d'été où il avait quitté pour la dernière fois le 4 Private Drive. Cette nuit où sa noble baguette à la plume de phénix l'avait sauvé. Si seulement il avait pu mourir comme Edwige, avec une telle soudaineté qu'il ne s'en serait même pas rendu compte. Ou s'il avait pu s'élancer devant une baguette magique pour sauver quelqu'un qu'il aimait. À présent, il enviait même la mort de ses parents. Cette marche de sang-froid vers sa propre destruction exigeait une autre forme de bravoure. Il sentit ses doigts trembler légèrement et s'efforça de les contrôler, bien qu'il n'y eût personne pour le voir. Tous les tableaux accrochés au mur étaient vides. Lentement, très lentement, il se redressa en position assise et se sentit alors plus vivant, plus conscient qu'il ne l'avait jamais été de la vie qui animait son propre corps. Pourquoi n'avait-il jamais su apprécier ce miracle qui constituait son être? Ce cerveau, ces nerfs, ce cœur qui bondissait dans sa poitrine, tout cela allait disparaître, ou tout du moins devrait-il l'abandonner? Que se passe-t-il dans cet extrait, selon vous, Marianne Chaillon? Eh bien, Harry, tout simplement, devient le maître de la mort, comme le veut la possession des trois reliques, mais il ne devient pas le maître de la mort parce qu'il possède les fameuses reliques de la mort, mais parce qu'il l'accepte. Et c'est toute la leçon de la saga. Si vous prêtez attention au titre, le premier opus s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers, mais ce n'est pas le titre original. Le titre original, c'était Harry Potter et la pierre du philosophe ou la pierre philosophale. Il y avait donc une dimension philosophique à l'origine de la saga. Paraît-il, on a effacé ce titre de crainte que les enfants rechignent à acheter un livre qui évoque la philosophie. Bon, apparemment, ça ne les a pas trop gênés. Précisément parce qu'on aurait effacé la dimension philosophique de la saga. Eh bien, cette pierre philosophale, que permet-elle? Nicolas Flamel, qui en est l'inventeur, grâce à cette pierre, peut vivre plusieurs centaines d'années. La pierre permet donc de conjurer la mort. Et quel est le dernier titre de la saga? Harry Potter et les reliques de la mort. Or, ces reliques, que permettent-elles, encore une fois, de conjurer la mort? On le voit bien, la thématique de la mort ouvre et clôt la saga. Cette thématique, donc, me semble-t-il, est le fil rouge, le fil conducteur de la saga. Comment faire face à l'effroyable certitude de la mort qui vient? Et vous avez le sentiment que c'est, dès le départ, ce vers quoi J.K. Rowling veut arriver? Oui, je pense qu'elle le sait. Néanmoins, il y a une gradation, comme on le constate, y compris dans les adaptations cinématographiques qui ont été faites, où vous voyez le générique d'entrée des films qui insiste sur, qui a l'air magique, merveilleux, heureux au début, et qui s'assombrit terriblement de film en film. On progresse avec Harry vers la rencontre inévitable de la mort. Je crois qu'il y a une phrase que je pourrais pas citer parfaitement, mais l'idée se trouve dans un des livres selon laquelle, au fond, la tâche de Harry, comme celle de tout humain, est d'apprendre à cheminer avec calme au-devant de la mort qui vient pour chacun d'entre nous. Mmh. Et c'est ce que Harry va devoir faire dans la saga. Dans l'extrait que nous écoutons, il l'accepte. Il y a du Montaigne aussi C'est vrai, il y a du Montaigne. Si philosopher, c'est apprendre à mourir, alors je pense que ça valide totalement une lecture philosophique de Harry Potter, puisque je suis en train d'essayer de démontrer que grâce à J.K. Rowling, on apprend à mourir, donc on philosophe, à en croire Montaigne. Voilà, on a pour une part des personnages qui refusent la finitude. Il n'y a pas simplement Voldemort qui refuse la finitude. On a parlé des fantômes tout à l'heure. Il y a donc Nicolas Flamel qui refuse la mort et crée une pierre pour demeurer vivant. Il y a aussi un conte merveilleux qui est évoqué dans la saga et qui est sorti plus tard sous une forme séparée qui s'appelle les contes de Biddle le Barde. Tout à l'heure, on parlait du mélange du réel et de la fiction. Là encore, quelle chose extraordinaire a fait J.K. Rowling en sortant comme livre un livre qui était présent dans la saga. Et dans ces contes, il y a un conte qui s'appelle le conte des trois frères, et où nous rencontrons le personnage de Cadmus Peverell, qui demande à la mort une bague qui lui permet de faire ressusciter ceux qu'il a perdus. Dumbledore, le grand Dumbledore qui est présenté comme probablement le plus grand sorcier de tous les temps, lui aussi, hélas, fait partie de ceux qui refusent la finitude. Et s'il meurt, réfléchissez bien, si Dumbledore meurt, ce n'est pas d'avoir été tué ni par Rogue, ni par Malfoy ou par qui que ce soit. Il meurt parce qu'il a mis à sa main la bague de résurrection. Mmh. Il voulait revoir sa sœur. Il n'accepte pas la perte. Lui aussi chute devant cette acceptation de la finitude. Et c'est pour ça qu'il reconnaît en Harry quelqu'un de si admirable. Lui-même, Dumbledore, n'a pas résisté à la tentation de conjurer la mort. Seul Harry y parvient. Alors ce qui est formidable, c'est que du coup, on imagine que tous les lecteurs de Harry Potter, et ils sont nombreux, et peut-être vos élèves d'abord en particulier, eh bien, ont acquis une connaissance, finalement un savoir philosophique très très grand. Et pourtant, il y a sans doute parmi les lecteurs d'Harry Potter certaines personnes qui restent insensibles finalement à la philosophie qui irrigue ce texte. Est-ce que vous avez réfléchi, et peut-être aussi en particulier avec vos élèves, dont j'imagine qu'ils lisent Harry Potter selon un petit peu votre analyse, est-ce que vous avez réfléchi finalement à l'effet de ces livres sur peut-être les plus jeunes d'ailleurs en particulier, est-ce que philosophiquement l'effet existe ? Alors, il y a un premier effet qui est indéniable, qui est l'engouement et la capacité que les jeunes se sont découverts à pouvoir lire de si gros livres. Il faut le rappeler quand même, ils sont énormes ces livres pour des jeunes lecteurs. Et ça, c'est un premier point. Donc, ils n'ont plus peur de la lecture. Merci J.K. Rowling. Deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas un lecteur de Harry Potter qui soit rétif à la philosophie. C'était comme si lire Harry Potter est une sorte de prolégomène à toute métaphysique future. Quand on aime Harry Potter, cette saga promeut le savoir, elle promeut l'enseignement. On a tous envie d'aller à Poudlard. Et parce qu'on apprend à Poudlard, il y a une valorisation de l'apprentissage. J'ai craint, en rédigeant ce livre, je redoutais beaucoup, je suis moi-même une grande lectrice de J.K. Rowling, une véritable fan de la saga, j'avais peur du retour de la communauté des fans, et j'ai beaucoup lu les commentaires qui ont été faits ici ou là sur mes livres, et je me réjouis beaucoup de voir qu'ils adhèrent complètement à cette lecture philosophique. Je pense qu'en lisant Harry Potter, on ne le lit pas qu'une fois, on le relit, on y revient. Mmh. Quand on aime, quand on est un mordu de la saga, on le relit, on sent confusément cette présence de la philosophie. Mais est-ce que vos élèves vous ont dit « Harry Potter m'a changé » Pas forcément d'un point de vue philosophique. J'ai eu des élèves qui étaient des véritables fans. Là, maintenant, on a quitté la génération Harry Potter. Hein. Néanmoins, ça marche toujours. D'ailleurs, il y a cette sortie des Animaux Fantastiques qui réveille un peu l'engouement pour la saga. J'ai eu des élèves de la génération Harry Potter qui avaient pleuré de ne pas recevoir la lettre de convocation à Poudlard le jour de leurs 11 ans. Il y a vraiment des gens qui réellement, vous voyez, elle a réussi à brouiller la frontière entre réel et fiction, si bien que des enfants ont attendu de recevoir leur lettre et ne l'ont pas reçue. Ils ont aimé Harry Potter et moi ça m'aide beaucoup parce que j'enseigne en lycée, comme vous l'avez rappelé. Il n'est pas toujours évident de conquérir un public de jeunes lycéens qui découvrent la philosophie par contrainte, à des heures parfois improbables de la journée. De les intéresser à la philosophie de Nietzsche ou de stoïciens, c'est pas évident. Même si aujourd'hui, semble-t-il, les jeunes lycéens lisent moins que ceux qui ont aujourd'hui 22, 23 ans. C'est vrai que dire à des élèves, vous lirez tel livre pour la rentrée, leur faire une condamnation. La première question, c'est combien de pages ? Mmh. Moi, quand je dis lisent moins Harry Potter. Ah, ils le lisent, ils voient les films en tout cas, et le goût des films les ramène aux livres dans un second temps. Et Harry Potter, moi, me sert beaucoup, parce que justement, quand je suis confrontée à un public qui n'a pas forcément une envie a priori de la philosophie, je vais les chercher grâce à Harry Potter. Par exemple, expliquer les sophistes, expliquer la dialectique grâce à Lupin, tout de suite la classe adhère, et certains pourraient décrier cette façon de faire, mais je suis convaincue qu'aller chercher les élèves sur leur terrain, c'est la condition pour les amener en philosophie. Voilà, peut-être une idée pour les professeurs de philo de terminale. Merci beaucoup Marianne Chaillant d'être venue nous voir aujourd'hui pour nous parler de la philosophie d'Harry Potter. Je rappelle que votre ouvrage Harry Potter à l'école de la philosophie est disponible chez Ellipse et que vous venez de publier un autre livre sur la philosophie dans les films de Disney. Ça s'appelle Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Demain, nous élargirons notre propos au genre de la fantasy en général en parlant notamment de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Ce sera avec Anne Besson. Mais pour l'heure, sur France Culture, eh bien, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé pour ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie, bonjour les compagnies. Mesdames, messieurs, nous allons vous lire Robert Desnos, mais sachez bien que c'est pour mieux vous faire apprécier l'hommage que lui fait le poète Zeno Bienvenu au prince de l'ultrasensible dans son dernier livre D'un univers funambule chez Antoine Gallimard. Léger, léger. Poème de Desnos, donc. Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour, voilée, parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie. Elle allume aux lèvres le soufre. Je l'écoute, ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas ? Elle dit, la peine sera de peu de durée. Elle dit, la belle saison est proche. Infiniment proche, titre de Zeno Bienvenu. Nous en tirons cet extrait. Ici, c'est la région des spectres. Ici, c'est le pays des somnambules. Entre en ton cœur et souviens-toi. Les gens ont commencé à courir, partout, dans tous les sens. Toute une ville qui court, une clameur dans la nuit hérissée, un assaut de noirceur. Description de la catastrophe de Bhopal. C'est le labyrinthe des hautes terreurs, l'heure immensément béante, l'heure en gueule de cobra. L'hiver du cœur, même les justes des justes ne sortent plus du cercle de la naissance et de la mort. Les ombres attendent, le ciel jette des poignées de cendres, moissons de tourments sans nombre. Nous brûlons des tonnes de camphre, flambeaux et nuages d'encens. Malheur à ceux qui écoutent chuchoter les épidémies. Si je me ressouviens de Bhopal, oui, je me ressouviens très bien de Bhopal. Des milliers de squelettes en marche, des arcs-en-ciel en lames de rasoir. Je me ressouviens du sel de la terre souillée par une rosée noire. Pauvres parmi les plus pauvres, nous sommes devenus rien. Le jour a fui devant les attaques de la nuit. Verrons-nous un jour la fin de tout cela ? Depuis ce trou de ténèbres, les saisons ont disparu. Nul n'entend plus les anges, aux mots salvateurs, ceux qui cicatrisent les chairs mordues. Le paysage est un poème de Robert Desnos. J'avais rêvé d'aimer, j'aime encore, mais l'amour, ce n'est plus ce bouquet de lilas et de roses, chargeant de leur parfum la forêt où repose une flamme à l'issue de sentiers sans détour. J'avais rêvé d'aimer, j'aime encore, mais l'amour, ce n'est plus cet orage où l'éclair superpose ses bûchers au château, des routes décomposent, illuminant, fuyant l'adieu du carrefour. C'est le silex en feu sous mon pas dans la nuit, le mot qu'aucun lexique au monde n'a traduit, l'écume sur la mer, dans le ciel ce nuage. À vieillir, tout devient rigide et lumineux, des boulevards sans nom et des cordes sans nœuds.